Placide Niyomungere. Eric Wiman assure la mise en onde. Bonjour à tous. Merci de nous rester fidèles. Bienvenue à cette édition à langue française et dont voici les principaux titres. Le projet de loi portant fixation du budget de l'État de l'année prochaine prévoit la révision des textes relatifs à l'impôt sur le revenu et à l'octroi des exonérations dans le but de maximiser les ressources intérieures. Vous aurez les détails dans cette édition avec Mireille Kanyang. Et trois personnes ont été blessées par une grenade au chef-lieu de la province de Cibitoke et une attaque qui visait un responsable de jeunes du parti au pouvoir. Selon la police dans cette province, les propriétaires des usines à café de la province Ngozi appliquent les projets de protection de l'environnement par traitement des eaux usées avant de les envoyer dans les rivières. Et au Bénin, les législatives se déroulent ce dimanche sans l'opposition. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Je venais de vous le dire, trois personnes ont été blessées par grenade vers 20h de la nuit de ce samedi à dimanche à la 7e transversale de Cibitoke, chef-lieu de cette même province. Le commissaire provincial de la police, Ndolera Robonfort, indique que l'attaque viserait le responsable des jeunes, Imbonerakure, de la colline Cibitoke, puisqu'elle a explosé sur la place où il était assis. Le commissaire André Laho affirme que la personne visée a échappé à ce piège bien, bel et bien, et qu'un présumé auteur a été arrêté. Et le projet de loi portant fixation du budget général de la République du Burundi, exercice 2019-2020, prévoit de nouvelles mesures pour accroître des ressources intérieures à hauteur de 84,6%. C'est notamment la révision des textes relatifs à l'impôt sur les revenus ainsi que ceux liés à l'octroi des exonérations. L'Office burundais des recettes OBR est entre autres appelé à élargir l'assiette fiscale et à lutter contre la fraude fiscale. Plus de précisions avec Mireille Kanyang. Se basant sur les hypothèses macroéconomiques de projection pour l'exercice 2019-2020, la pression fiscale sera de 13,7% du PIB. Pour cela, l'OBR devra poursuivre et entreprendre quelques actions. C'est notamment l'élargissement de l'assiette fiscale, la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale par le suivi électronique à partir des postes frontières jusqu'au bureau de dédouanement, ainsi que la mise en place des scanners pour la sécurisation des marchandises. Comme troisième action, l'Office burundais des recettes OBR devra renforcer le recouvrement des arriérés et maîtriser les exonérations. Toujours dans le but d'accroître les ressources intérieures, 7 nouvelles mesures seront mises en œuvre. Il s'agit de la révision des textes relatifs à l'impôt sur les revenus, à la taxe sur la valeur ajoutée, aux procédures fiscales, à la fiscalité communale, au domaine foncier, notamment les textes sur l'expertise immobilière et ceux relatifs à la location et la vente des terres domaniales. Il y a également le renforcement de la collecte des taxes sur les activités du secteur minier, la prise des dispositions pour réduire le secteur informel à travers une fiscalité de proximité, l'application rigoureuse de la loi concernant les dividendes inversés à l'État. Ce projet de loi budgétaire à exercice 2019-2020 prévoit en outre l'initiation de la révision des textes et la procédure d'octroi des exonérations, l'accélération du processus de recouvrement des arriérés par l'Office burundais des recettes, ainsi que la perception des recettes non fiscales jusqu'aujourd'hui réalisées par les administrations. En violation de la loi, précise ce projet de loi, une perception qui sera effectuée par l'Office burundais des recettes, OBR. Vous n'avez pas Isanganilo? Vous ratez l'essentiel. C'est la radio Sangani que vous êtes en train de suivre. On poursuit ce journal avec environnement. Les propriétaires des usines à café de la province Ngozi sont en train de mettre en application des projets de protection de l'environnement. Au moment où, dans le passé, les eaux usées provenaient de ces usines et les pulpes de café cerise étaient déversées directement dans les rivières, aujourd'hui, l'on procède au traitement de ces eaux pour protéger les rivières. Selon Nunzubu Mwilambert, coordinateur technique au sein de la Fédération des caféiculteurs d'Ngozi, à cela s'ajoute la plantation des arbres et le traçage des courbes de niveau sur les collines qui surplombent les usines à café. Je vous prie de le suivre. Quant à la sauvegarde de l'environnement au niveau des stations de lavage, on essaie d'abord de séparer les pulpes et les eaux usées. Au niveau des eaux usées, on essaie de faire des trous avec des pierres grossières et puis des pierres moyennes avec du sable et puis on y met on y met de la chaux avec aussi des cendres. Et comme ça, le gaz carbonique est diminué de façon que l'oxygène prime sur le gaz carbonique. On a constaté que la plupart des stations de lavage sont surplombées par des bassins versants. Qu'est-ce qui est fait pour protéger ces stations? La SENAC et Mme Rousseng est en train de sensibiliser et mobiliser les caféiculteurs dans le traçage des courbes de niveau, dans l'installation des arbres agroforesteries, ainsi même avec le bananier, avec des écartements bien connus. Et installer des cultures et des arbres agroforesteries pour que le sol soit fixé. C'était Nzubu Mwelambert, coordinateur technique au sein de la Fédération des caféiculteurs à Ngozi. Et un leadership digne de son nom est indispensable au développement de toute société coopérative. Jérôme Ndouayo, représentant légal de la Société pour le développement économique de base, SODEBASE en sigle, dit que c'est la condition pour l'accomplissement de la vision et des missions de toute société coopérative. C'est après une formation à leadership organisée ce vendredi à Rumonge aux membres de cette société par l'organisation Alliance pour la Terre Verte. Le point avec Jean-Pierre Misako. Selon Jérôme Ndouayo, représentant légal de la Société pour le développement économique de base, SODEBASE en sigle, regroupant d'une part des enseignants et de l'autre part des chômeurs, la vision de cette coopérative est que ses membres servent de modèle dans la lutte contre la pauvreté. Et pour y arriver, il est impératif de mettre en place un système de solidarité commerciale pour combattre le chômage, prôner les changements de mentalité et bannir les principes socio-économiques inadaptés aux principes de décollage économique, augmenter le pouvoir d'achat des populations vulnérables, pour ne citer que cela. Jérôme Ndouayo dit qu'il faut à cela un leadership moral digne de son nom pour y parvenir. Et c'est ce leadership moral que la SODEBASE, comme d'ailleurs d'autres coopératives, ont besoin pour permettre le décollage économique. Le représentant légal de la SODEBASE dit que c'est dans ce cadre que cette société a réuni ses membres autour des enseignements de leadership ce vendredi à Rumonge, afin qu'ils s'imprègnent des méthodes de mise en application des visions et missions et de résolution des problèmes éventuels, des enseignements qui leur ont été fournis par des envoyés de l'organisation Alliance pour la Terre Verte. Jean-Pierre Misago de Pirumongue, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago de la Société à la Musique. Les Burundais peuvent organiser un festival culturel de plus que la Sika. Le constat est de la chanteuse Bernice Rumba qui a représenté le Burundi dans la 13e édition du festival Sika qui s'est déroulé hier samedi en Guinée-Conakry. Bernice qui regrette que sa musique Iwachi Burundi n'a pas été jouée correctement, d'y avoir gagné de contact d'autres professionnels de la musique. Je viens de l'appeler tout de suite. Elle nous fait d'abord une appréciation globale du festival Sika. De mon côté, c'était bien, mais on a rencontré beaucoup de problèmes. Il y a les musiciens qui ne savaient pas vraiment jouer la musique burundaise. Et aussi, il y a le micro qui lâchait tout le temps. Et on a dû même changer mon micro. Même si j'ai rencontré beaucoup de problèmes, je dis satisfaire mon public. On devrait faire la répétition avant, mais nous, on a fait la répétition juste avec le chœur. Les musiciens n'ont pas eu le temps de se mettre en contact ou bien se mettre dans le bain de la musique de l'Est et particulièrement la musique burundaise. C'était tout le temps la musique de l'Ouest. Pour jouer la musique burundaise, c'est pas chose facile. On devrait d'abord répéter et relever les défis et puis faire une bonne musique. Qu'est-ce que Bernice a pu gagner dans cette compétition qui peut peut-être promouvoir sa carrière musicale? J'ai gagné des contacts, des managers, des tourneurs et aussi des artistes. Et nous avons préparé beaucoup de projets ensemble. Qu'est-ce que Bernice peut demander aux autres artistes burundais par rapport à son expérience acquise dans cette 13e édition du Sika? Nous pouvons faire mieux que Sika. J'invite tous les Burundais, les bailleurs, le ministère de la Culture qu'on peut faire grand que Sika. C'était Bernice Irumba, une chanteuse burundaise en compétition qui a représenté le Burundi dans la 13e compétition du festival Sika qui se déroule en Guinée-Conakry. Et la proclamation des résultats de cette compétition est attendue dans la soirée de ce dimanche. Vous saurez que Bernice et Ilumba se doivent ce briquet Bernice Debel et lauréate de la 7e édition du Sanganiro Award. De la musique au sport, clôture ce dimanche du tournoi de basketball pour le club de Bujumbura, membre de l'association de basket amateur ASEBAB. Côté féminin, c'est la formation Les Gazelles qui a remporté la coupe après avoir éliminé Yanga Star sur un score de 70 à 47 points. Et côté masculin, le match entre Dynamo et Gymkhana est en cours. Dynamo avait battu les Ipo en demi-finale sur un score de 92 points contre 59 et Gymkhana avait éliminé Carne sur un score de 75 à 64 points. Actualité internationale. En actualité internationale et pour clore cette édition, Soudan, les membres, les meneurs de la contestation et l'armée soudanaise sont parvenus ce samedi à un accord pour le partage du pouvoir pour mettre en place un conseil conjoint entre les civils et les militaires. Depuis le renversement du président soudanais Omar el-Béchir par l'armée, il y a 2 semaines, les manifestants demandaient le transfert du pouvoir aux civils. Les deux camps avaient convenu mercredi d'ouvrir les pourparlers et samedi, lors de la première réunion d'un comité regroupant les représentants de la contestation et ceux du conseil militaire de transition, ils sont parvenus à un compromis pour un partage du pouvoir. Selon la Radio France Internationale, jusqu'ici, le général Abdel Fattah al-Burhan, à la tête du conseil militaire actuellement au pouvoir, refusait les appels à céder le pouvoir. Et enfin, les législatives se déroulent au Bénin où la participation scripte à la loupe et les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche matin vers 7h, heure locale pour les élections législatives sans opposition. Seuls les partis à qui approuve le président Patrice Talon ont été autorisés à concourir. Les opposants appellent au boycott, mais le pouvoir assure que le scrutin se déroule dans le calme. C'est la Radio France Internationale. Plusieurs habitants ont affirmé qu'il n'est pas question pour aller voter. Ce serait cautionné, disait-il, les élections qui n'en sont pas. À quoi ça sert? Je poursuis. On connaît déjà le résultat. Patrice Talon aura les 83 députés. Ironise par exemple un jeune homme qui se demande s'il y aura des violences aujourd'hui, poursuit la Radio France Internationale. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle que le projet de loi portant fixation du budget de l'État de l'année prochaine prévoit la révision des textes relatifs à l'impôt sur les revenus et l'octroi des exonérations dans le but de maximiser les ressources intérieures. Et 3 personnes ont été blessées par une grenade au chef-lieu de la province de Chibitoke. Une attaque qui viserait un responsable des jeunes du parti au pouvoir, confirmé la police. Et les propriétaires des usines à café de la province Ngozi appliquent les projets de protection de l'environnement par traitement des eaux usées avant de les envoyer dans les rivières. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée dominicale à tous.